Un tout autant broquillé. Un an, un trois. Ça y est là, ouais. Rigo, il y a des questions, IRC. Il y en a plein. Donc, vas-y. Alors, Carafa, non, ça c'est naze. Ouais, vas-y, ouais, je te jure. C'est, frère, c'est, taf, c'est un truc de ouf. Vas-y, hein. Avant, Rigo, avant. Ouais, c'est clair. On ta mère. Max 204. Ta mère. Oh, ça y est, ouais. Je les coupe. Merci. Non, la foule, je les coupe. Tu dis Manu. Je sais pas qui c'est. Hein. Ça vient d'où, ça? Allez, mais coupe-les, là, que j'écoute les questions IRC. Oh, ta gueule. Tu penses un peu à ta mère. Ta gueule. Je vais couper. Voilà. Bon, ah, c'est chaud, ça. Donc, je vais lire celle que je vois le plus. C'est une question d'Yankee qui te demande si une pipe, c'est un arrêt d'urgence. Ouais, il y a longtemps que les questions sont terminées sur les bandes d'arrêt d'urgence. Voilà. Hein, ouais, tu te réveilles. Hallucinez pas, les gars. Pourquoi je lis pas grand-chose, quoi, ce soir, c'est... Ouais, c'est la cata. Ouais. Ok, on est combien quand même? On est énormément. C'est-à-dire? C'est-à-dire 6042. Ah, bah, t'as baissé depuis tout à l'heure. T'as 8000. 8000, ouais. Ouais. Faudrait que tu montes ton cul, Gérard, pour monter. Ouais, ça. Bon, allez, dernière question. Croyez-vous que la sécurité est mieux sur autoroute que sur les nationales, Tantouze? Non, je m'appelle Matouze. Ça... Ouais, Tantouze, allez, réponds. Je veux pas te savoir. Ça dépend parce que des fois, c'est mieux sur la nationale que sur l'autoroute. Et puis des fois, sur l'autoroute, c'est mieux que sur la nationale parce que des fois, la nationale, ça peut être plus dangereux que l'autoroute. Alors, moi, je te pose... Je suis pas trop d'accord, moi, avec Matouze. Pourquoi? Moi non plus. Non. Pourquoi, par exemple? Romanichel. Fildar, par exemple. Non, mais attendez. Non, mais attends, Fildar. Oh, Tantouze. Problème, il était pas d'accord. Tantouze, pour l'instant, tu t'écrases. Bon, Romanichel. Ouais, je suis pas trop d'accord avec Matouze. Moi, je voudrais savoir un truc. Quoi? Avant d'aller à la DAS, on t'a trouvé sur quelle heure de repos? Bon, allez, au revoir pour toi. Oh. Hop. C'est méchant, ça. Tu lui dis au revoir, Manu. Ouais. El Château. Ah, ouais. El Château? Bah, excuse-moi, j'ai une question à te poser. Bien sûr. T'es quelle origine? Je suis bohémien. Bon, on s'en fout, tu as demandé à Félix. Ah ben, attends, demande à Félix Gray tout de suite, comme ça on sera tranquille. Félix Gray, tu serais pas dans la gitanerie? Ouais, tout à fait. D'accord. Voilà, allez. Top spin, génial. Ouais, Manu. On accueille Touche Mimiche. Bonsoir. Bonsoir, Touche. Touche. Ouais. T'appelles d'où? J'appelle de Paris. Ah, c'est Henri, ça. Oh là. Comment va Pépette, en fait? Ah, la toujours patiné ton break. La Pépette dans le break, c'est chaud. Elle termine. Bon, quand vous... la radio derrière, s'il vous plaît, merci. El Château. Ouais, bah écoute, moi, je suis plutôt autoroute parce que je suis plutôt fil de gauche. Et sur la nationale, si tu fais fil de gauche, t'es en sens inverse, donc c'est chaud. Mmh. Donc j'ai plutôt tendance à me ranger sur l'autoroute quand même, à me rabattre sur l'autoroute. D'accord. Mais il faut faire attention quand on se rabat sur l'autoroute. Oh, ta gueule ! Ouais, je vais... Oh, fil là ! Non, c'est pas moi. Oh, ta gueule ! Félix Ray. Ouais, donc moi c'est plus autoroute aussi, parce que j'ai une décapotable, et puis il faut me voir débarquer à Marseille, les cheveux au vent. Ouais. Avec ma décapotable, ah ouais, j'ai la classe, hein, franchement. Mmh. Et j'ai travaillé avec Barbe Olivier aussi. Ah. Avec les Santiago, pour ceux qui se rappellent. Touche machin là. Ah putain, j'aurais bien qu'à oh. Touche Ça fait partie de l'un de mes regrets de ma vie. Touche là. Oh mais merde. Je suis blanc. Touche tu réponds là. Pleurer, Putain. Bon, ça va être terminé parce que je vais commencer à me Bah touche Touche là, tu réponds. Allô. Allô. Oui, putain, mais tu ouais, il est où lui là? Tu m'appelles, t'as qu'à dire mon nom normalement quoi. Touche les miches. Touche les miches là. Avec plaisir. C'est quoi la question? Allez hop, au revoir, toi. Ah, bah, attends, vas-y, attends. Allez hop, non, la question. Non, j'ai pas entendu, il était avec moi au standard. Ton gazon. Bah attends, il y a l'autre pouf là qui est en train, on comprend que dalle. Vas-y, repose ta question quoi. Alors, croyez-vous que la sécurité est mieux sur l'autoroute que sur la nationale? Alors, moi, comme dit, j'adore la Saint-Denis et j'adore toute l'appellation, tout ça. Tu es des cochons. Merci, Fildar. Non, c'est pas moi. Alors, touche les miches. C'est qui fait le débat? C'est ta femme ou c'est toi, là? Touche les miches. Ouais. Eh ben, ouais, tu veux que je réponde peut-être, ou alors il y a l'autre pute qui va causer à ma place. Hein. Oh, l'autre pute, attends, merde, moi je te dis, allez, hop. Allez, terminé. Allez, tu lui dis au revoir, Manu. Il se trouve que cette pute est sa femme. Pas de vérité. Bon, allez, hop. On va faire conclusion. Manu, mais s'il vous plaît. On fait conclusion. Je voulais 10 secondes et je crache. Il y a un auditeur, je voulais accueillir Jeanne. C'est Jeanne. C'est chaud, c'est bon. Allez, emmène-moi.